Permettez-moi, chers auditeurs, de vous inviter à une véritable gymnastique d'esprit. Il faudrait que vous passiez en quelques secondes du cadre qui est le vôtre à celui de la cour fastueuse de Babylone au VIe siècle avant l'ère chrétienne. Une nuit, le roi Nebuchadnezzar avait été troublé dans son sommeil par un songe que ses astrologues n'avaient pas réussi à interpréter. Ils avaient dû avouer leur échec parce que le roi ne se souvenait plus du songe lui-même. Nebuchadnezzar s'était mis en colère et avait ordonné l'exécution de tous les sages de Babylone. Or, Daniel et ses trois amis étaient du nombre des sages de Babylone. Leur nom figurait peut-être en tête sur la liste des condamnés à mort parce qu'ils assumaient d'importantes responsabilités dans l'administration du royaume. Cependant, quand ils ont appris ce qui les attendait, ils ne se sont pas laissés désarçonner, ils ont prié. Et Dieu a honoré leur foi. Il a révélé le secret du songe à Daniel, qui s'est présenté devant l'empereur pour l'expliquer. Nebuchadnezzar et ses grands étaient sans doute anxieux de connaître le récit du songe et son interprétation. Mais Daniel a d'abord pris tout son temps pour magnifier le Dieu des cieux devant le super dictateur de l'époque. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel 2, versets 28 à 30. D'une part, Dieu vous laisse faire connaître à l'homme qui tenait le pouvoir suprême dans sa main. D'autre part, il désirait lui révéler l'avenir, d'abord un avenir proche, celui des millions de personnes appelées à naître entre le VIe siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle de l'ère chrétienne. Puis, un avenir plus lointain, celui de la fin du XXe siècle ou du début du XXIe. Mais laissons Daniel décrire à Nebuchadnezzar le songe qu'il avait oublié, Daniel chapitre 2, versets 31 à 35. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quelle a dû être la stupéfaction de l'empereur lorsque Daniel lui a remis en mémoire tout le processus de sa vision nocturne, sans en omettre aucun détail. Quant aux sages de Babylone, ils devaient être suspendus aux lèvres du jeune homme, tandis qu'il racontait le songe et qu'il l'interprétait, versets 36 à 38. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Cette première partie du songe était très flatteuse pour Nebuchadnezzar, le roi des rois, la tête d'or de la statue. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Tête d'or, poitrine d'argent, cuisse d'airain, jambes de fer. La statue entrevue par Nebuchadnezzar comportait donc quatre parties distinctes, correspondant chacune à l'un des quatre empires universels de l'Antiquité. C'est pourquoi Daniel poursuit son explication au roi, verset 39. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Si l'empire des Mèdes et des Perses, qui a succédé à l'empire babylonien, était géographiquement plus étendu, le pouvoir s'y est exercé avec moins d'absolutisme. Dans ce sens, c'était un royaume moindre, il correspondait donc à la poitrine d'argent de la statue. Puis, cet empire des Mèdes et des Perses s'est désagrégé au cours du IVe siècle et, en 336, un nouveau dictateur s'est imposé au monde, Alexandre le Grand, le Macédonien. Nouvel accomplissement de la prophétie de Daniel, chapitre 2, où nous lisons, toujours au verset 39, « Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. » En effet, Alexandre le Grand a conquis tout le Moyen-Orient et a étendu l'influence grecque jusqu'aux rives de l'Indus, c'est-à-dire jusqu'aux confins de la terre civilisée par les peuples de l'Antiquité. Après l'Empire chaldéen, 7e et 6e siècle, celui des Mèdes et des Perses, 6e et 5e siècle, et celui des Grecs, 4e et 3e siècle, il y eut un quatrième empire, l'Empire romain. Dans la statue du songe de Nebuchadnezzar, il y avait aussi une quatrième partie, des jambes de fer avec des pieds où le fer et l'argile s'aggloméraient mal, comme nous le lisons en Daniel 2, versets 40 à 43. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Que nous montre l'histoire au sujet de l'antique Rome? L'organisation politique et militaire des Césars avait la force du fer, mais l'extension géographique de l'Empire l'a rendu fragile. Cette fragilité s'est surtout manifestée lorsque les multiples nations colonisées par Rome ont réclamé leur autonomie et quand les peuples barbares ont envahi le monde civilisé. Le fer de l'hégémonie militaire n'a guère pu s'allier avec l'argile des libertés démocratiques mal assimilées. Parlons maintenant de la chute de ce quatrième empire. Nebuchadnezzar avait vu dans son rêve une pierre détachée, sans le secours d'aucune main humaine, frapper la statue à sa base, c'est-à-dire à ses 10 orteils, versets 34 et 35 du chapitre 2. Avant d'aller plus loin, essayons d'identifier ces 10 orteils. Dans le chapitre 7 de Daniel, le prophète reçoit une révélation parallèle et complémentaire à celle du chapitre 2. Le thème en est à nouveau l'enchaînement des quatre empires universels de l'Antiquité. Ils lui apparaissent sous la forme de quatre animaux. Le quatrième, plus terrible que les trois premiers, présente 10 cornes. 10 cornes symboliques de 10 rois ou de 10 nations. Les 10 orteils dont il est question au chapitre 2, comme les 10 cornes mentionnées au chapitre 7, désignent donc 10 nations. Dans le songe de Nebuchadnezzar, la pierre détachée du ciel a frappé les 10 orteils avec un tel impact que la statue s'est entièrement écroulée. En d'autres termes, ces 10 nations seront la cible d'une intervention divine entraînant la ruine définitive de tous les empires de l'histoire. Je ne veux pas anticiper sur l'étude du chapitre 7 de Daniel que nous examinerons en son temps, ni sur la fin de ce chapitre 2 que nous réservons à la semaine prochaine. Nous constaterons alors que la partie du songe relative aux 10 orteils de la statue et à la pierre qui les écrase ne s'est pas concrétisée dans l'histoire passée de l'Empire romain, mais qu'elle appartient à une époque encore future, probablement très proche de nous. Nous découvrirons aussi que la pierre qui, dans le songe de Nebuchadnezzar, devient une grande montagne, est symbolique de Jésus-Christ et de son futur royaume terrestre. Mais, chers auditeurs, vous n'avez pas à attendre pour venir humblement aux pieds du Dieu de Daniel et vous mettre en ordre avec lui. Vous lirez les versets 46 et 47 de Daniel chapitre 2 et vous constaterez que les grands de la cour de Babylone se sont jetés à genoux en signe d'humiliation et d'adoration devant le Dieu Tout-Puissant. Le roi Salomon avait écrit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Proverbe 21:1. Si, il y a 25 siècles, Dieu a incliné le cœur de Nebuchadnezzar, le super dictateur de son époque, il peut aussi incliner votre cœur. Le Seigneur des cieux voit jusqu'au tréfonds de votre être et il sait comment vous amener à la repentance et à la foi. C'est pourquoi ne lui résistez plus. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. En devenant petit à vos yeux, vous apprendrez ce que signifie naître de nouveau. Et ensuite, vous deviendrez enfant de Dieu. Et devenir enfant de Dieu, c'est accéder à un titre infiniment plus élevé et plus glorieux que tous ceux que les hommes peuvent s'attribuer. Les empereurs, les rois et tous les dignitaires que la terre a portés ont disparu ou disparaîtront. Mais nul ne pourra vous ravir votre position d'enfant de Dieu, une position qui subsiste pour l'éternité.